sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Bonjour, vous êtes bien sur RKB pour Hind à Brezonek. Alors, comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué. Aujourd'hui, l'émission Trihand Pemb à Trihugen, 365. C'est ça, Henri? Oui, c'est ça, oui. 365. Autant que de jours dans l'année. Enfin, dans les années non bissextiles. Et donc, pour cette, c'est presque un anniversaire, hein, parce que ça ferait, si on rediffusait, ça ferait une émission par jour. Et ben voilà, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Donc, voilà, tout ça en 8 ans, hein, depuis 2004. Voilà. Alors, aujourd'hui, le mot du jour, c'est Erbelour ou Erbelouren. Alors, j'ai fait exprès de mettre l'article devant parce que le mot d'origine, enfin, sans article, c'est Pelour ou Pelouren. Mais en fait, on n'entend pratiquement jamais ça, puisqu'il y a toujours l'article, et comme c'est un mot féminin, il y a une mutation adoucissante qui transforme le P en B. Mmh. C'est comme bilic, c'est pareil, hein, pilic, qui devient erbilic. Et en fait, c'est le mot bilic aussi qu'on entend le plus souvent. Mmh. D'ailleurs, en français, quand ça passe en français, on dit une bilic. On dit une bilic, hein, voilà. Et donc, si on disait une poêle, puisqu'il s'agit d'une poêle à frire, hein, En bretonisme, on dirait une belour. Mm-hmm. Et d'ailleurs, justement, l'idée de traiter ce mot-là m'est venue d'une anecdote que m'a raconté l'autre jour un habitant de Pemrite. Là, on était dans une petite fête, là, et puis il me racontait ça. J'avais une petite cousine qui était à l'école dans les années 60, et ils avaient eu à faire une rédaction, ou on disait une composition française, hein, comme dit Mona Ozouf là, dans son bouquin. Et donc, il s'agissait de parler du Mardi Gras, hein, malargé en breton. Mmh. Et ma petite cousine, elle avait écrit qu'elle s'était maquillée pour le Mardi Gras avec du noir de Belour. Et alors, ça avait entraîné une colère terrible du maître d'école, qui ne supportait pas qu'il y ait un mot breton dans les compositions françaises. Mais elle ne connaissait pas le mot français, peut-être. Bah, elle connaissait sans doute pas le mot français. Pour elle, c'était une Belour, quoi. Mmh. Et on se maquillait avec le noir du cul de la Belour, quoi. Et donc, elle avait écrit ça. Et j'ai souvent entendu, effectivement, ce mot Belour, hein, puisque c'est un instrument de cuisine, hein, qui est très répandu, hein. Alors, autrefois, c'était souvent des grandes poêles avec un très long manche, hein, parce que comme c'était entièrement en métal, c'était pas isolé, ouais. Donc, pour que ça refroidisse un peu, on faisait des longs manches. Et alors, il y avait aussi des poêles qu'on utilisait, qu'on perçait pour griller les châtaignes. Maintenant, ça se trouve à acheter, mais à l'époque, ça se trouvait pas à acheter, quoi. Donc, on faisait des trous dans la poêle pour griller les châtaignes. Alors, je me souviens, on avait un voisin un jour qui avait eu une vieille poêle comme ça. Il avait eu l'idée de la percer pour faire griller des châtaignes, et il avait tiré un coup de fusil dessus. Il avait suspendu un arbre et il avait tiré un coup de fusil. Manque de peau, la répartition des plombs était très mauvaise dans son fusil et ça avait fait un gros trou au milieu, quoi. Voilà. Donc, Erbelour. Alors, on dit Belour ou Belouren. Ici, on dit plutôt Belour, hein, mais le singulier, normalement, c'est Erbelouren, quoi. Alors, donc voilà, alors cette anecdote, hein, bon, ça, on pourrait parler, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, hein, sur des enfants qui ont lâché des mots en breton, et puis, évidemment, c'était interdit, et pourtant, c'était déjà dans les années 60, donc, il y avait eu la loi d'Exon 10 ans avant, qui autorisait les maîtres à faire une heure de breton par semaine, et en 1951, et on s'aperçoit que 60 ans plus tard, il y a beaucoup d'écoles qui sont même pas encore à une heure de breton par semaine. Donc les choses ne vont pas très vite. Alors, donc la poêle, comme je l'ai dit, au Belour, hein. Alors il y a pas mal de... Alors des fois, on voit le mot bilig aussi, qui est... Parce qu'il y a des endroits où on fait des crêpes avec des poêles aussi, donc il y a un peu de parenté entre les deux mots, quoi. Alors nous ici on faisait pas de crêpes là-dedans, hein, mais par contre des fois on peut faire des crêpes réchauffées comme ça dans la poêle. Hein. Oui, oui. Hein, Krampus frites. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, tout ce qui passe dans la poêle, c'est frites. Hein. Uo frites. Hein. Par exemple, quand uo frites, hein, une omelette. Hein, quand au moment de Pâques, hein, on allait chercher ces uo frites. Hein, c'était vraiment une tradition ici, quoi. Uo frites babelour. Hein. Et alors le contenu de la poêle, c'est orbelourade, hein, orbelourade uo frites. Une poêlée, hein, une poêlée de frites, quoi. Voilà, on fait aussi des champignons comme ça. À l'époque, autrefois, on faisait pas ça. Personne mangeait les bonnets tous, hein. Non, personne mangeait ça aussi. Ah non, personne mangeait. J'ai connu personne qui s'aventure à manger ça. D'ailleurs, on disait tout ça bonnets tous, hein. Donc, maintenant, la mode est venue quand même. Beaucoup de gens en ramassent. Voilà. La saucisse aussi en grillée dans la poêle, hein. Chaouchis babelour. Alors il y a des expressions, par exemple lakador belour war entrebe, ça veut dire au sens propre, hein, ça veut dire mettre la poêle sur le trépied, mais au sens figuré ça veut dire commencer à faire quelque chose, hein. Lak meuse belour war entrebe, c'est-à-dire j'ai commencé à faire quelque chose, quoi. J'ai mis la poêle sur le trépied, mais ça désigne le début d'une action, quoi. D'accord. Voilà. Un trébé, c'est un mot qu'on a déjà parlé, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis on parlera peut-être aussi un jour des autres ustensiles de cuisine. Enfin voilà pour heure belour. Très bien, merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg ton matin. Oui, alors donc aujourd'hui on va aller à Zantol, là où vient d'avoir lieu le repas des anciens, le repas du club. Donc Chanik va rencontrer Louis Guyader, qui est le président du club. Alors on les écoute. Salut Louis, ma de jeu. Est-ce que te glaimes Chanik? L'arrêt d'inta Louis, clévin meus wandéal près d'Arregos bazantolak? Ya, guiri, orvege blar vegret, ganor lup, pija dura 40. Bazantolak vegret? Ja, et vel juste, bah, t'y fanges peine quoi de vegret d'arprit? A débit de mad au peus. Fé ya vat, au bonnard d'Igor Karl, on a oua de djenta, a go bonnard zouben waler, a langue de bœuf gant bonnet d'où tous, a go rost et vel juste waler, a zaladen, a fourmage, a gant tant kounyan man gant a hafé. Trauskan, pen ar fin. Oh, rek que fin, Chanik, n'est que mes d'orvige blanc. A plis j'adur zo bête? Ja, Chanik, et vel qui sa costume? Quand on est nous au bête, à son heureuse, très jeune go, l'accordéon, l'harmonica, quoi que triste, n'dut. On passe à la traduction? Oui. Allez, salut Louis, madame. Ouais, bonjour Louis, comment ça va? Ça va bien, quoi. De ce que te glaime, Jean-Tchernik. Oui, il n'y a pas à se plaindre, de ce que te glaime. La ridintaille, Louis. Clé vénemeuse et wandéal, près d'Arégos, basantoluk. Oui, alors dites-moi, Louis, j'ai entendu qu'il y avait eu l'autre jour le repas des anciens, des vieux. Hein, Arégos, c'est les vieux. Hein. Mais en breton, c'est pas péjoratif. Arégos, basantoluk. Ya, guiré. Leur véchobla avec Gret, Ganarlub, plija dur à 40. Oui, c'est vrai. On fait ça une fois par an, Hervéjebla. Hein. Alors là, c'est une forme passive, hein. Hervéjebla avec Gret. Donc, une fois par an, c'est fait, hein. Ganarlub, avec le club. Voilà un mot qui est passé, qui a été bretonisé, hein. Voilà, un mot français qui est venu d'ailleurs aussi, hein. Et plija dur à 40, hein. Plaisir et amitié. Donc, ça, c'est le nom du club, hein. Bazantolek, Végret. On fait ça à Zantolek, hein. Il y a avec juste Batifanchpenquat et Végret d'Arpred. Oui, bien sûr, on fait ça, Batifanchpenquat, chez Fanchpenquat, hein, l'aubergiste bien connu, qui est déjà passé sur RKB d'ailleurs. À Débédemad, opus. Et vous avez bien mangé? Elle est coquine, parce qu'elle veut lui faire dire le menu. Feyavat, Arbonar Digar Kalon, et Wadagendan, Agarbanar Zouben Warler. Voilà, Feyavat, hein. Ah oui, vraiment. Hein, donc, il y avait Orban Ardi Gorkal, on a un coup d'apéritif avant, de Djantan. Et puis après, un peu de soupe, hein, Orban Arzou Benoualer. À langue de bœuf, gambonné d'outoussé. Voilà, à langue de bœuf. Alors, langue de bœuf, en un mot, hein, c'est devenu un mot, hein, en un seul mot, une expression, en fait, hein, bretonisée, langue de bœuf. Hein. Voilà, gambonné d'outoussé avec des champignons. À Garros, Viljus, Warler, à Zaladen, à Fourmage, à Guntam Kunyamand, qu'on a raffé. Voilà. Et après, le rôti, bien sûr, rost, hein, à Zaladen, et la salade, ça c'est bon pour la digestion, à Fourmage et du fromage, et à Guntam Kunyamand, et un peu de Kunyamand. Kunyamand, ça se traduit pas, hein, c'est Kunyamand en français aussi. Et à Paris, aussi. On dit Kunyamand. Ouais, ouais, mais. Et à New York aussi, maintenant. Ouais, ouais, mais si on dit Kunyamand, hein, c'est un gâteau qui est avec beaucoup de beurre. Oui, avec beaucoup de beurre, ouais. Ouais, qui tient au ventre quoi, hein. Voilà. Avec le café, grand café. Trauskan belafin. Des choses légères finalement. Là, elle se moque, elle persifle. Rikefen chanik ne nekemed Hervé Jambla. Voilà. Alors ne vous moquez pas, hein. Oberfen c'est se moquer, hein. Chanik. On dit Obergwab aussi, hein. N'est que Médorvige Blanc, ce n'est qu'une fois par an, hein, donc péché à moitié pardonné. À Plijadur Zobé, demande Chanik. Voilà, et il y a eu du plaisir. Il y a Chanik, vel qui s'accustume. Oui, Chanik. On a vu nous, Zobé, à Zanures. Voilà, alors oui, Chanik, il y a eu, bon, comme d'habitude, hein, vel qui s'accustume. C'est une redondance d'ailleurs, hein, on dit deux fois la même chose, hein, comme d'habitude. Vel qui s'accustume. Quand Noé nous Zobé, il y a eu des chansons, à Zanures et de la musique. Trojengo, l'accordéon, harmonica, donc évidemment ils ont tous les instruments, hein. Ils sont très doués à Zantol. Ils chantent. Hein, et ils chantent et ils jouent des instruments. Trojengo, le clarinette, hein, c'est l'instrument du pays, l'accordéon et de l'harmonica aussi. Ne vois que triste nut, les gens n'étaient pas tristes. Thank you. Troisième partie d'émission, Petra Zonévé Arvro. Petra Zonévé Arvro, calze drau e vel just boer vej diouzan. Krogom de dientan vel kis a custum gandola bourdouar, hag ur vue war armez. Tostad ram de sfin ur blad au vil dauzek, a deja ve komp ze calz de smar e ur goelio, ne deleg hag un detientan bla. War da chen ala bourdouar ve komp ze calz ar mareman de ur pag neve. Ur pag e ur politikerez, bro Europa evit ar la bourdouar, war da chen ala bourdouar. Hag sans se de ur pag neve, de vout prest, vid un nan da vil trizek. Me calz ez ech ble ez oas evel just evit resisad un trao. Ne ke bra, ne ke dez bopet lakad un dro d'un dol seiz bro war nugen. Herve pe sobet disklerio deja, un pag neve, ad lefe mont peloc war dach un doujan zon en dro. E galak velar ad ze, verdissement de la pac. Hag war dro tre grand dregan de ze zikourio ro e de labouré a yon douar, ave fe liam ad breman, gant doujan zon en dro. Gwellet vo pe sambo de vo kon. Baldis ka ramzor ve a houls de d'obergist evel just. Hag an tambe pe bler ma trez un peus gwell eze, ve gret gwelliout rodro d'orgist evel oa an deel ba chapel neve. Ma trez un peus kleve de nabar d'un tu de zevro, war ar gwellze a oa begret gant Jean-Pierre, guader, hag oa komze de nor bra ou, mod bra ou tre de zegist. Pe ve komze de zegist, Alice ve komz de Zlambik, evel just, putur. Gant giz ve gret Lambik. Gant giz mod ve gret Lambik mod. Gant giz fal ve gret Lambik fal. A ba, ba blado vil trezek ma trezek, vo ro de naoc evel vel aret de Lambik breiz. Evel zo nan evit halvados. Halvados e Lambik bro Normandi. Gwellet vo pe sa mod vo kont gant endraze. Evit chom mon tam war dach en un endro, comme je vais calze ur mar et mon roi ça comme je vous jean jean de papel de ce crise nucléaire brenilis pelzo ves comme de disevel brenilis un velvelar déconstruction en galaga ag sans cette vfb gretzi rock d'auville triver mais der mode velar de vos gret diusator ag mi de jean jmis y aura vos gwel de tour bras berenilis ba tal len en pa pel ma trezen ve fe moi moi en dor putur ma avec dis truje de vos moi en dor ma trezen au mirdi hein mirdi er gaier da square ve fe mémoire dor rien non putur so belard cal ze gaier warzi a pe vegual pegenster des distruje au greisen vie en vel brenilis ve comprenne mod vos stertorwas a pel custus disevel onan et vel fesenaim a mi jonge a greiz an fesenaim vo gwellet a tal ster en an ster rin pa pel roas ka peve gwellet pe sa mod mon kont ba brenilis greidan ke ba fesenaim vo tu vo kader an noir de zistru jen drase me chom me rei a ma trezen vo gredor mirdi ba fesenaim mirdi greizen ou nucléel va fe bet an dra fentus quoi enfin fentus negutien fentus me rede farce al même estra un temps. Bon, vichon mon tom war dachen en endro, kom se ve kalz ar vraiment de ze lostas, lastes, pe louston ni ma peswant. Galak ve lardze deche, ordur, beb sambot. Hag vraiment ve telet kalz louston ni gant un dut, hein, pel mur vini vije gret koegel, hag ve ke gwar at pet d'or gant un riz, bon di bob vein, hat tretet vein, beb sambot ve gret, me benefin choma, l'oustoni neus mandor gante l'oustoni diouz an deus reiz vek l'ard déchet ultime en galak bras hag pete vegret gant reiz bon am breiz ven kasset de changé a zi un dro de la val zo pez tout l'bras de la canet tout da skouir deus département de Penorbit ve kasset pembil kamion ad l'oustoni dis bepla de changé hag un dud ba enan ba mayen zo a eskuiz de velze pe diant ho volant ket ve febe de gret deus departement de mayen un tout louston e benefit hag bon zo kude nou ganze set u zo roar vo red mir o dom louston e ur vej penek de breiz hag bon vek gwar gwalger pet d'or gante ka den ben eus de vel de louston e zet al dan as eus ove komze deus oar o nant ban o vengleuz ar ba zant war zin ur parkeia, hein, Saint-Martin-des-Champs en galak, ave fe be la ket louston ien, non, mais bon, zur oar un du de tro a dro ne vont ket de du ganzi. Hag setu, bo zo kudeen ou gant louston ien. War da chen ur politiker ez ne la rin ket kal zo dra e vejman, choul oar e an traoup dur neus ke votadeg ou rog ur blad au vil perzek, ba blad au vil perzek vo vote levi de merioù, hag aze zur oar on tamm ur rog vo gwelet de politikour yon o frechen an tamm war ze, me bet a bremañ man choul oar an traoup. Bon, setu pu dur neus ket kal zo dra de lard oar ur politiker ez ram de gomz an tamm de zevena dur. Neus ket gwell belzo em oa komz dar deus gerria dur Francis Favreau vo im bannet ba bla deus on. Hag vegel roaz moa komz tar deus gerria dur Martial Ménard zo deus ne eso, mes, ha, ma trez un peus begwell ze, ha, klevet ze, ha, gwellet ze. Hag ur gerria dur el, ha, zo bet im bannet ne eso roaz, hini Jean Ledu. Hag zo war ar brezon neuk pou gourskant, a tro war dro, ba bro dreger. A ma trezen peus kleve d'un, on a bad an oa begret gant Jean-Pierre Guyad, an eus ke gwal belzo, gant Jean Ledu o displé gant an tamm spered an eus, ba pes ar spered an eus gret ar geria diorze. Ba geria diorze ve ka vet kaz a gerio deus bro dreger, hag un mod deus istar gant e, hag skwerio e vel just vid diski pes ar mod implij ar gerio. Bon, non, ne soin de gav guerriadur, au niveau de Ziba, ben, pétant man de brain, on est tout, man de zézoir. Bon, pédur, on, comme on tombe de ce pésso bé d'invan, imban de bavro, cas de l'éveil, au vé, imbanet, au nom, zo bescrive, ne ce gual belzo, gan Gérard Lomener, a zo un din, a zo chum, ba gwenet, a gezo, on a ven mod, vide, il a beau, ar dachen zon air, a grein amzan. Je vais là musique médiévale hein galak. Agelivernes gredar en ce commande de velgan de zonires namzer gren et tientor lever war en gun or meigne et vel leur peul vent nous pes vela menir in galak hein. Ag en dolmen ou trop dit ce quoi. A Gérard leur mené que ne gred de ino un inorbras dimban un leverer. Or gontal ne braison de moi casse dedans. Ur gontad en se moa beklev gant me mouer maïlous o ne ba blaio zo hantor kant lasso hag o nons de tient tambla hag bon Gérard Lomeneg nez lak de gontad en se gontad en se gomz deus peul van menedjel hein, deus posog menedjel hag e in balad en brezon eg ba lever se troed in galag evel just hein, troed moa neg in galag vid red o warant ke brezon eg. Bon, vi je n'en besoin, grand tendard de Sfange Perru, zo bars à scrivagne, un din se scrive un drap benek de brezon de BMD, hein, de l'arani oise ou ar RKB, ar vej ou ar angwagen ou RKB, hag, his ne se bescrive de war dro ugen lever brezon de, hag, ne vieso ne se gre de lever barzon d'egou, hag, zo hanvet, kander stivel, hag ar lever zo brezonek a galak, a mame zo un tom zoznek, hag un tom alamandek barz, hag imban le deg an skol vreiz. Hag rak skriv zo, rak strid, un prefaz velar din galak, hag zo skrivet gant yant ber pirio. Bon, kal zo lever yo ve imban un breiz, neus ke benefi ne ke bra komz de setout, petan man ve febet red ka de honneur a baden, de gomz de souze. On den gandet ba Melkare, Gérard Boutier, ar an skrive de neveso o lever o komz de ze ur vue e breiz pa de brezel. Pe oa an alaman eut bavro. Hag an den se Gérard Boutier ne skrive skal ze varzoneg o rog skrivan lever ze zo hangvet a chok infini. In bande de gant ur stal resi. Hag ur plarel de ze vro Nicole Guégan de Skarnoen ne skrivet o lever o komz de ze yoyo wankis. Hag justement de Han Lever et Amzer Yowang. Im ban le dig an Henri des Abbayes zo ba Felger. War da chen ar brezon, bremañ, un evezo oa Igor tipost bakarez, un tipost o be hat tiempelet, Hag a vid ar vechien tan vo gwell un tamm brezon ne skrivet ou un ti post, a mamez ma trezen vo klevet un tamm brezon ne komzet, pudur zo in plijidi a zo kap de gomz brezon ne. Un tamm kamman c'hoaz vid war og vid ar yez. A war ze ma peus kwant vo echuet, pudur zo kalz draou de l'ar, me l'ar de vogn ben ar vegel. Setu l'ar amdar tienon, kenavo, chilo e ar kabe, tien ar vegel.